Chapitre 3e, le piège. La duchesse de Valombreuse, depuis la mort de son mari, avait quitté sa résidence de Faubourlois, qui lui était devenue odieuse par les souvenirs qu'elle lui rappelait. Elle était revenue à Paris, avait vendu sa propriété des Champs-Élysées, à présent trop spacieuse pour elle et pour ses enfants. Puis elle s'était installée dans un hôtel à l'extrémité de la rue de Barène, près de la rue de la Chaise. À l'exception de quelques amis intimes, au nombre desquels figurait Maurice de Lavernay, qui était entré dans le ressort de Paris, elle ne recevait personne et vivait, pour ainsi dire, cloîtrée. L'ajournement du mariage de Marcel avec M. de Kerlusset, parti pour l'Amérique, afin d'y conquérir la fortune, avait eu pour effet de retarder également celui d'Ève, les deux sœurs, qui s'aimaient tendrement, s'étant promis de se marier le même jour. Octave occupait un petit pavillon situé au fond du jardin de l'hôtel afin d'être plus libre de ses actions. Si les jours de la duchesse s'écoulaient tristement, ses deux filles, de leur côté, menaient une existence des plus monotones. Leur unique distraction consistait, lorsqu'il faisait beau, à aller passer quelques heures en compagnie d'une servante dans le jardin du Luxembourg. Le surlendemain de l'arrivée à Paris de Sir John Colfax et de Flavia, Marcel et Ève venaient à peine de s'asseoir sur leur banc accoutumé au Luxembourg quand leur attention fut attirée par une étrange promeneuse. C'était une négresse d'une rare beauté. Sa peau noire avait les teints chauds et lustrés d'un bronze florentin. Sa mise était des plus modestes, bien qu'un peu théâtrale. Un Terre-Neuve, aussi remarquable dans son genre que sa maîtresse, la suivait. « La belle négresse, » fit Ève. « Le superbe chien, » dit Marcel. La négresse passa silencieusement, parcourut deux fois l'allée, puis alla s'asseoir sur un banc voisin de celui des demoiselles de Valombreuse. Le Terre-Neuve se mit alors gravement sur ses pattes de derrière et regarda la négresse comme pour lui demander quelque chose. « Pauvre Minos, » murmura celle-ci avec un sourire plein de tristesse, « tu attends ton déjeuner ?» Minos remue la queue en signe d'affirmation. « Brave ami, » continua le jeune négresse, « tant qu'il y en aura pour moi, tu auras ta part. » Elle tira un petit pain de sa poche, le cassa par le milieu et en donna la moitié à son chien. Ève et Marcel n'avaient perdu aucun détail de ce petit drame intime. « Pauvre fille, elle est malheureuse, » dit tout bas Ève à sa sœur. « C'est peut-être son dernier morceau de pain qu'elle vient de partager avec son fidèle compagnon, » répondit Marcel. « Si j'osais, je lui offrirais ma bourse. » Cependant, la jolie négresse venait de terminer son frugal déjeuner. Le Terre-Neuve, en trois coups de dents, avait absorbé le sien. Alors elle se leva et s'éloigna avec son chien. Marcel, qui lui suivait du regard, semblait réfléchir. « À quoi penses-tu, ma sœur ?» demanda Ève. « Marianne se marie dans 8 jours. »« Oui, eh bien, cette pauvre négresse se trouve sans place et nous aurions pu la prendre pour remplacer Marianne. »« C'est vrai. » Ève, puis elle ajouta en souriant, il nous aurait raconté des choses curieuses sur le pays qu'habite aujourd'hui Monsieur de Kerlusset. Méchante, répondit sa sœur, qui avait tressailli au nom du vicomte. Demain, elle reviendra peut-être, et si elle revient, reprit Ève, nous la questionnerons, et si elle est sans place, nous engagerons maman à la prendre avec son superbe chien, dont je raffole, interrompit Marcel. Les deux jeunes filles quittèrent leur banc et reprirent le chemin de la rue de Varennes. Lorsque le docteur Cavarox avait promis à Flavia de faire entrer Scabieuse en qualité de servante chez la duchesse de Valombreuse, il était certain de ne pas s'engager imprudemment. Expliquons maintenant comment la duchesse était devenue sa cliente. Brisée d'émotion à la suite de son interrogatoire devant les assises de la Nièvre, elle s'était, on s'en souvient, évanouie en plein tribunal, et le docteur lui avait prodigué les soins les plus empressés. Or, Cavarox avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cet incident vulgaire, et le soir même du jour, il s'était, sans y avoir été appelé, présenté chez Madame de Valombreuse afin de prendre de ses nouvelles. Il fut reçu et il glissa une ordonnance parfaitement inutile. Le lendemain, l'opiniâtre disciple d'Esculape revint tout naturellement pour s'enquérir du résultat de ses prescriptions de la veille. Les premiers pas étaient faits, et lorsque, fort peu de temps après, La famille de Vallombreuse abandonna le Morvan pour se fixer définitivement à Paris. Le docteur Cabarrox hasarda quelques visites, d'abord assez espacées afin de ne pas effaroucher la duchesse, puis plus rapprochées, et au bout de 3 ou 4 mois de ce manège, il devenait le médecin de l'hôtel de la rue de Varennes. De retour chez elle, Ève et Marcel racontèrent à leur mère la rencontre qu'elles avaient faite et parvinrent sans peine à l'intéresser à leur protégé inconnu. Le lendemain, elles retournèrent au jardin du Luxembourg. Mais ni la négresse ni son compagnon ne parurent. Comment parvenir à les retrouver? Il fut décidé qu'on consulterait à cet égard Maurice de Lavernay, qui, en sa qualité de magistrat, pourrait sans doute indiquer la marche à suivre. Le soir venu, le petit cénacle qui se réunissait le jeudi chez la duchesse était au complet. Le docteur Cabarrox avait soin d'arriver l'un des premiers, et pour cause. Il ne doutait pas de l'effet qu'avait dû produire sur l'imagination exaltée des demoiselles de Vallombreuse la comédie qu'il avait soufflée à Scabieuse et que celle-ci avait si bien jouée, et il comptait non sans raison qu'il serait parlé d'elle pendant la soirée. En effet, à peine Maurice de Lavernay fut-il entré, que Madame de Vallombreuse lui fit part du désir de ses filles. Une négresse accompagnée d'un terre-neuve, rien de plus facile à trouver, répondit le jeune magistrat d'un ton distrait. Il suffit de s'adresser à la préfecture de police. Cabarrox venait de s'approcher comme par hasard. Docteur, lui dit la duchesse, vous qui connaissez beaucoup de monde, ne connaîtriez-vous pas quelqu'un à la préfecture de police? Oui, madame la duchesse, répondit Cabarrox. Vous pourrez peut-être alors rendre un petit service à Marcel et à Ève. Voici ce dont il s'agit. Fort bien, fit le docteur, lorsque madame de Vallombreuse lui eut expliqué l'affaire. J'irai voir demain le chef de la sûreté. Le chef de la sûreté, interrompit Marcel, quel est ce personnage? C'est un agent supérieur de la préfecture, mademoiselle, reprit le docteur, et j'obtiendrai par lui les renseignements les plus circonstanciés sur cette négresse, à moins, ajouta-t-il en souriant, que la noirceur de son visage ne soit fautain. Pendant cette conversation toute intime, 2 tables de whist avaient été préparées et les joueurs prirent place. La duchesse avait Maurice de Lavernay pour partenaire. Sur une carte malencontreusement jetée par le jeune magistrat, Madame de Vallombreuse poussa une exclamation et lui dit « Vous avez des distractions ce soir, mon cher Maurice. »« C'est vrai, » répondit-il, « je pensais à toute autre chose qu'à ce jeu. »« Et à quoi, s'il vous plaît ?»« J'ai reçu ce matin une lettre d'Amérique. »« Du vicomte ?» demanda vivement la duchesse. « Précisément. » Le docteur Cabarrox, qui était à la table voisine, prêta l'oreille en entendant prononcer le nom de M. de Carlucet. « Ah, et que vous dit-il ? » poursuivit Mme de Vallombreuse en posant ses cartes sur la table. « Va-t-il enfin nous revenir ? » dit le 3e joueur de whist. « A-t-il fait fortune ? » repartit le 4e joueur. « Il sera de retour d'ici à 6 ou 7 mois, avec 3 millions, » répondit Maurice. Ève et Marcel, assises, une broderie à la main, près du piano, ne perdaient pas un mot de l'entretien. Cabarrox, de son côté, écoutait, mais sans affectation. « Je suis vraiment heureuse de ce que vous m'apprenez là, et je m'explique votre distraction, mon cher Maurice, » répliqua la duchesse en jetant un regard significatif sur Ève. « Il n'y a point que cela dans la lettre d'Amaury, » dit le jeune magistrat avec une certaine hésitation. « Et qu'y a-t-il encore ? » ?»« Il me recommande de veiller avec le plus grand soin sur vous et sur mesdemoiselle de Vallombreuse. » « Et pourquoi ? » ?»« Il ne s'explique pas sur la nature du danger qui semblerait vous menacer. »« Si toutefois un danger vous menace, il se borne à parler de certains projets qu'on méditerait contre vous. »« Quel projet ? Que sais-je ? » ?»« Mais si j'ai bien compris les sous-entendus, je serais tenté de croire qu'il s'agirait d'une vengeance. » Madame de Vallombreuse tressaillit. Toutefois, elle ne voulut rien laisser voir du trouble involontaire qui l'agitait. Elle répondit, en hochant la tête et d'un ton ironique, « Ce pauvre Carlucet, l'affection qu'il nous porte le rend visionnaire. » La duchesse ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait. Une crainte soudaine, indéfinie, quelque chose comme un sinistre pressentiment, venait d'assaillir son âme. « Tiens, tiens, on nous dénonce, c'est bon à savoir, » pensa le docteur Cabarrox. « J'en informerai pas plus tard que demain notre belle Flavia. » Quel ennemi caché pourrait donc avoir notre mère ? Dit tout bas Ève à sa sœur. Comme toi, je l'ignore, répondit Marcel, mais sans m'expliquer pourquoi, j'ai peur.